jamais, jamais vu. Tu m'avais pris de haut, pas besoin de tes mots, à moi t'as jamais cru. Dans la misère je fus, du bif j'ai cru, maintenant je suis bien vêtu. Pourquoi tu veux revenir, veux repartir, t'es plus le bienvenu. Ouais pour toi c'est mort, je veux plus te revoir dans ma zone, yeah. Pour toi c'est mort, je veux plus te revoir dans ma zone. C'est pas genre tu prends mes news, quand j'avais rien, j'avais me démerder. J'pensais des SOS, c'était la haine pendant que tu désertais. Quand je partais en guerre, solo je ne t'ai pas vu me t'en épée. Aujourd'hui tu regrettes, mais je te rejette, te voilà à mes pieds. Combien de fois tu m'as laissé dans la merde, putain j'en ai perdu le nombre. Quand je regardais autour de moi, y'avait personne à part mon ombre. Avant tu crachais sur moi, et là aujourd'hui tu utilises mon nom. Tu reviendras jamais, jamais, jamais dans ma zone. Je t'ai demandé de venir me soutenir, mais tu n'es jamais venu. Tu m'avais pris de haut, besoin de tes mots, à moi t'as jamais cru. Dans la misère je fus, du bif j'ai cru, maintenant je suis bien vêtu. Pourquoi tu veux revenir, veux repartir, t'es plus le bienvenu. Ouais pour toi c'est mort, je veux plus te revoir dans ma zone, yeah. Pour toi c'est mort, je veux plus te revoir dans ma zone. Sache que tu n'es plus des nôtres, c'est de ta faute, je parle de toi au passé. Je faisais partie de ceux pour qui je pouvais me déplacer. Je m'en bats les ailes, joie dans mon cœur et ma vie doit t'effacer. Une fois pas deux fois, je peux pardonner mais je peux pas oublier. Combien de fois tu m'as laissé dans la merde, putain j'en ai perdu le nombre. Quand je regardais autour de moi, y'avait personne à part mon ombre. Avant tu crachais sur moi, et là aujourd'hui tu utilises mon nom. Tu prendras jamais, jamais, jamais dans ma zone. Je t'ai demandé de venir me soutenir, mais tu n'es jamais venu. Tu m'avais pris de haut, besoin de tes mots, à moi t'as jamais cru. Dans la misère je fus, du bif j'ai cru, maintenant je suis bien vêtu. Pourquoi tu veux revenir, veux repartir, t'es plus le bienvenu. Ouais pour toi.